Ne ubije nikomo, ne ubije nikomo, ne ubije nikomo, ne ubije nikomo, ne ubije nikomo, ne ubije nikomo, ne ubije nikomo, ne ubije nikomo. Je me rappelle si je me rappelle qu'il faut le faire. C'est la peste le soir, faut une autre guerre. Parle pas de test, parle pas de test. Balayette, rafale dans le bas de caisse. Tant que je passe sous terre, c'est pas fini. Moi je reviens toujours, je me vache sur ce qu'on me fait. Même des années après l'ancien, laisse pas traîner ta fille, on va la tromper. Un kilo par ci, un petit par là, j'écoute pas mais j'entends parler. Tranquille, compte mes trophées, aïe de me chauffer, je vais lui snapper 100 000. Longue vie, ro et puta. Trozac, 9-3 égale, raca. Faire une chaussette, y'a pas de paca. La beuh dans le crâne de la vodka. Y'a pas de condé à l'horizon. Si tu décroches à l'horizon, balance ton port, frérot, je la nique. Balai, ghetto, niveau de la nuque. Déclare le squat, on paiera jamais pour quand t'as pas un nous souhaite. Mais ton mali, moi je t'amène le squat. T'es mort au final, mais ma gueule, on vous souhaite, souhaite. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie, nique ta belle maman. C'est plus la même qu'avant. J'suis dans le plat, mon ganté, jogging alligator. On fait partie des grands. Longue vie, maman ayo. J'm'envole vers Pattaya. Si j'grattais pas un euro, j'aurais déjà arrêté le peur. Longue vie, à Tony mec. J'suis derrière, gros fait belek. Elle est fake, tu le booty check. J'suis Bergman, tu Gucci man. Le compte en banque, blindé comme une porte. Rabat dans la part. J'peux pas bicrave à perdre. J'peux pas bicrave à perdre. C'est moi qui gagne. J'connais toutes les cartes. J'connais toutes les failles. Rolex dans la fouille. L'OPJ perd le smile. Mais je m'en bats les couilles. Longue vie, Kounia Mamao. JV et Cascaraï. Ta grand-mère, la pute en string. Triple platine en stream. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Parle pas, va de l'avant. Tu maghrébin, vend de l'avant. Patate dans pomme d'Adam. J'ai la même bande qu'avant. Hein. Longue vie ni comme moi. Que les mains faites pour leur son dans des zoules. Pour mes bougnoules qui soignent coup de chasse aux Zitoun. Disque d'or, je traîne toujours avec celui qui a prêté tes 20 euros. Ouais, ton corps, la rue du succès dans ta schneck. C'était ta queue, avenue Montaigne, j'en rêvais. T'as vu mon teint, c'est l'été. Soulagé quand je suis sur Alger. J'suis moins un bon cas, j'suis Rachel. Pas de cisra entre nous, c'est la même. Nos remets touchent les allocs. Ensemble, on met la pression sur ces salopes. Fais de la corde, travaille le cardio fort. On peut au fond du fort. On disait non, à long terme, c'est hard. Allume l'antenne, c'est wham. Peuvra. Long vie et ni comme moi. Long vie. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi. Longue vie et ni comme moi.